Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Secret du son d'Abat. C'est la 2.20, voilà, ça y est, on est grand maintenant. On va essayer de se tenir. Non, on va pas se tenir. Et on commence tout de suite avec Blackie. Bonsoir, monsieur Melon. Salut Grigola, Blackie, on avait prévu de passer Death Grips avec leur nouvel album The Money Store. Ils vont aller se faire mettre, ils ont décidé d'annuler leur tournée. On les passe pas. À la place, on passe ceux qui les ont inspirés, Blackie, avec... C'est un duo, c'est un trio ? Je sais plus très bien, ils sont quelques-uns, ils gueulent comme des gorets, ils ont des beats qu'envoie le gros Danone. Et eux, ils sont en tournée en France, ils ont un 6 titres qu'on peut trouver gratos, je crois, via leur bandcamp, un truc dans ce goût-là. Sorti en 2009, réédité True en 2011. True Spirit and Not Giving a Fuck, c'est le morceau War Child. Et effectivement, ils sont en tournée tout le mois de mai en France, depuis Poitiers, je crois que c'est un bled que tu connais bien. Cher, voilà, Villette Sonic. Jusqu'à Rouen, via le Villette Sonic, jusqu'à Rouen début juin, en passant par le Villette Sonic, Metz, Crest, Marseille, Toulouse et Tutti Quanti, War Child, Blackie dans le secret du son là-bas. Kills this you to it all. Light to it all. Light to it all. Light to it all. Light. Look at the guy holding a sign on the side of the road. I cried and his skin was cracking. Other men were laughing. Coins, coins, coins, coins, coins, coins. All he was asking. I don't wanna be nothing. I don't wanna be nothing, baby. Two, it's all. Light, two, it's all. Light, two, it's all. Light, two, it's all. Light. Look at the guy who rides in the sky. All the little fire demons inside. Fire. He supplies the villains of the town. Well, alright. He makes friends rather quickly. They shake hands rather swiftly. Blood in the air, noise everywhere, but nowhere was victory. Two and all, light. Two and all, light. Two and all, light. Two and all, light. I don't care about America, nigga. It kills the truth. I'm full of drugs and dreams, and I will shoot. I don't care about America, nigga. It kills the truth. Right now, my lifestyle's hostile. I am now a war child. BLACKIE. Blackie. Blackie. Dans Secret du son d'Abat. All caps with space. C'était l'EP sorti 2009, réédité en 2011. True Spirit and Not Giving a Fuck. Donc c'est, en fait, c'est Michael Lacour. Il a 25 ans, il gueule comme un putois et on aime ça. C'était bien et j'espère que ces petits concerts français vont permettre à cette jolie formation de nous faire oublier cette annulation de Death Grips. Trigger Finger a été l'un des concerts phénoménales du printemps lorientais. On va écouter un extrait de leur troisième album qui s'appelle All the Dancing Around, et on va écouter un extrait, premier extrait de l'album qui s'appelle All the Dancing Around. Trigger Finger est en train d'envahir les ondes. Ils joueront sur des grosses scènes. On a eu la chance de les voir au manège à Lorient. C'était vraiment un très beau concert de rock. Rock'n'roll, voilà, et un son dantesque. Et on va écouter Trigger Finger, ils sont d'Anvers, et c'est un trio. On les entend sur aujourd'hui certaines FM. Je pense que ça peut devenir très très gros. Ils ont un quatrième album qui sort à la fin de l'année, à la fin du mois de mai. Et en tout cas, on leur souhaite très bon vent. Trigger Finger dans Secret du son là-bas. Well, it tames a demon inside us. All this dancing around again. Well, it changed the trouble and so on. All this dancing around again. Well, it break uncomfortable silence. All this dancing around again. Come on, baby, the floor. Shake for me. Shake. start a new revolution. It's dancing around again. Will it turn the water to wine? Oh, it's dancing around again. Gonna cause a lot of confusion. Oh, it's dancing around again. Gonna knock the fruit of the vine. Torch est grand, Torch est beau, tiré du nouvel album, il s'appelle Harmonycraft. Il sort chez Volcom Records, cet album est merveilleux, cet album est beau, cet album est magnifique. Cet album est... Ça donne envie, mon cher Greg, d'écraser des mamies sur la plage de Miami avec un buggy. Et c'est exactement ça. De toute façon, ils font que ça, ils écrasent des mamies des mamies et des papis aussi, parce que et des quelques skaters. Mais voilà, ils sont avec des gros buggy, ils écoutent de la grosse basse Gabby Vice, et puis poum poum poum, ils te les dégagent. Voilà, ce nouvel album de Torch voilà, et vient de sortir chez Volcom Records et Kitty Dried pour le label californien monté par un français, Volcom Records. Que dire sur cet album qui est la synthèse totale de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des purs tubes stoner pop, des purs moments doom lyrique complètement californianisé, enfin bref, torche quoi. Vraiment, cet album est vraiment, une fois de plus, c'est après la perte d'un guitariste sur Songs for a Single, sorti il y a un an et demi, un EP moitié album qui avait été un peu miffing mais raisin. Après un split EP avec Parchims où il faisait des 4 reprises de Guided by Voices, Torch a retrouvé un deuxième guitariste et ils sont en grande forme avec ce nouvel album qui s'appelle Harmonycraft. Évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde. Évidemment, les gens seront décontenancés. Évidemment, patati patata, on s'en fout. Torch est l'un des groupes stoner ou rock'n'roll vraiment les plus originaux et les plus personnels du moment, et je vous invite très sérieusement à jeter une oreille. Évidemment, ça tombe pas, il y a les tubes Kicking qu'on a déjà passé dans une précédente émission, et puis il y a d'autres morceaux encore plus fins, plus instrumentaux, enfin bref, voilà, cet album est vraiment une réussite. Voilà, je pourrais pas en dire plus, et bon, il est salué largement par la critique, et c'est normal. Torch, c'était dans Secret du son débat. On ralentit le tempo ? Un petit peu. Avec... Et l'enthousiasme. On ralentit pas l'enthousiasme, non, mon cher Greg, avec moi un album dans un genre complètement différent, mais qui m'a... Qui donne envie de manger des céréales, quoi, un peu. Voilà. Eh bien, on va s'écouter donc Quakers, vous l'aurez compris, avec le premier album de ce trio. Autant pour moi. Dans lequel on retrouve Geoff Barrow. Geoff Barrow, c'est l'âme musicale de Portishead. L'une des âmes musicales. Ouais. Ouais, on n'est pas d'accord. Et donc accompagné d'Ashley Anderson et de Stuart Matthews. 41 titres au compteur de ce double LP et double sur le double CD on retrouve carrément la version instrumentale de l'ensemble des titres. 41 plus 41 ça fait 82 si j'ai bien compris. Ouais. Et bien que l'album soit difficile à s'écouter d'une traite, évidemment il regorge de tubes j'ose pas dire en tout genre, mais avec de franches influences du côté de chez LP, du côté de pourquoi pas de Shadow. Par moment Shadow à son meilleur, j'espère. Ouais, pas le Shadow de ces temps-ci, le Shadow d'il y a 15 ans. Évidemment, le hip-hop américain plutôt de la côte Est, dans tout ce qu'il a pu fournir de meilleur. Il y a voilà une vraie collection de super bons morceaux à tel point que c'était bien difficile d'en choisir un seul, et j'espère que vous allez goûter les 2 minutes 42 de Fit Ya Happier avec un featuring de Guilty Simpson et de M.E.D. Guilty Simpson qu'on a vu auprès de je retrouve plus son nom, c'est terrible, Apollo Brown par exemple. Ouais, enfin c'est toute la clique, je la sais pas clique. S'ils ont collaboré ouais. L'un et l'autre, mais en tout cas c'est paru dans Guilty Simpson a publié un album il y a deux ans et demi date, ouais. qui avait déclenché un enthousiasme à peu près équivalent à celui des premiers essais d'Apollo Brown, et c'était un petit peu dans la même mouvance, voilà, exactement. Ça sort chez Stone Throw, c'est Quakers avec l'album du même nom, Quakers. On s'écoute Fit Ya Happier. Yo, Guilty Simpson, let's go. This is the way. I'm a fugitive, running from my past. How long will freedom last? I'm swinging knuckles of brass, motivated hustle for cash. I'm puffing the hash, leave a rapper on the ground with his jugular slash. And laugh at him, it's humorous. A lot of MCs got one style, me, I got numerous. I stand out so nobody's confusing us. I'm way better, cold winners, beige leathers, black pistols, red eyes, blue jeans, white widow, caked up, new green. Travel across borders, across water. Being short on my cash flow is a tall order. Your style shallow like fountains where they toss quarters. Wishing away to be the pick of the day, where motherfuckers would care to hear the shit to say. On show day, you couldn't get the tickets away, loser. I step through the door, sharper than a blade from a moor. Success, you more like the picture before. What a mess, I ain't gotta brag when I double cash. Come easy like a breezy with a trouble pass. Still by popular demand, return like a shirt when you wore with the tag. Still found in a CUT, eyes low, tie, oh no, SUV. CA to the D, what up, talk shit, the shoe fit, equip, get your tongue, shoot string down. Stay soundless, I crack jaws, you lock doors. We break through the boards in the drywall. By form, we the highlight, you an extra cat shade from the spotlight. Right, no pressure, respect, just the best. To headline the bill like rent from your next check, M.E.D. Looking so mean. Look like he's carrying a can of gasoline. Listen, brother, let me pull your coat. That's no way to have a black revolt. See that brother across the street selling those Muhammad speaks? Go talk to him. Let him run it down. Don't try to burn up half the town. Uh-oh, here comes the man. And you standing here with that can in your hand. Drop it, brother, like I asked you to. And let the brother run it down to you. Sticks and stones and kerosene, Coke bottles filled with gasoline, bricks and bats and bicycle chains. With tools like these, what could you possibly hope to gain? Burning and looting and cries of black power, black power. All types of war cries, the soul brother will holler. Brother, try and think like a wise man. How much black power can you hold in a can? Hey, look at them marching peacefully over there, led by Dr. King. They say Whitey shot him and fled the scene. Carmichael, Brown, McKissick, the late Dr. King. All these soul brothers claim to have the right thing. Listen to me, brother, and try to understand that what the so-called Negro needs is a divine plan. 9,000 miles and 400 years from home. That's an awful long time for anybody to be gone. Brother, do you realize that you are the maker and the owner of this earth? And it is that time in history for the American so-called Negro's rebirth. Let us unite and get some land to call our own, that we can live on long after Whitey is gone. Do you think we're shucking or running down some jive? Check Malachi in the Bible, 4th chapter, verses 4 and 5. It says right there, brother, that in the very last days, Elijah would come to show the black man the way. Unite with me, black power it will be, and there will be no need to carry a can of gasoline. Wait just a minute, brother. I know what you're gonna say. You're tired of religion in every way. But I'm not talking about preachers hollering about Jesus, Jesus, and a land on high that you can only get to after you die. I mean freedom, justice, and equality. True friendship, money, and the best of property. Not $50 million churches with solid gold steeples, but businesses, hospitals, and schools to benefit all black people. True black power is in God's hand, not at the bottom of a gasoline can. The long hot summer started early this year with tanks and bombs and other combat gear. What chance do you have with that gasoline? Brother, whitey will blow you right off the scene. Black power has a beautiful sound, and I know you love it. So, why not join the originator of it? A savior has been born to deliver us from this hell. You don't have to die or rot away in some jail. Hurry, black man, fly to your own. For if we unite behind the messenger, we can hurry on home. Because the time is here when we are catching pure hell. Now it has been prophesied that his number is counted. That's right. But it's not too late if you follow Messenger Muhammad. What more could you want than freedom, justice, and equality? That's right. After being raped and exploited and hung from a tree? Right. None but our Savior could come to this civilization and raise up a messenger to build a righteous nation. Instead of getting worked up on Sunday to hear Tom preach, visit Muhammad's mosque and hear Brother Minister teach. Now being a Muslim, my flag always hangs high. The sun, moon, and stars that you see in the sky. Follow the messenger, brother. His black power is divine. Run, fly to him, because you don't have much time. See you in Muhammad's mosque, brother. Right, brother, see you around. Salaam alaikum. Le jazz militant de Shahid Quintet, Power. Invitation of to Black Power Part 1 and 2. En fait, c'était donc un a priori un single qui a été réuni en un seul morceau pour la compile Listen Whitey, The Sound of Black Power 1967-1974. C'est sorti par Light Indiatic, qui à l'image de Soundway ou Soul Jazz collecte, compile, récupère et assemble de manière thématique, chronologique et ou des petites perles d'ici et d'ailleurs, bien souvent en l'occurrence du continent américain, du continent africain, etc. Light in the Attic, donc, qui publie cette compilation sortie à l'hiver 2012. On y retrouve évidemment des pointures militantes et pleines d'âme, de chaleur et de talent comme Jill Scott Heron, les Last Poets aussi, mais et des gens plus, on va dire, voire très peu connus comme le Shahid Quintet, qui a priori a pas vraiment eu une carrière particulière par derrière. Et puis aussi des militants de la Nation of Islam comme à l'instar des deux Gugus qui étaient aux vocaux de ce Shahid Quintet, puisqu'il y a évidemment les musiciens. Mais il y a donc de l'autre côté des gens comme Bob Dylan ou John Lennon et Yoko Ono qu'on retrouve sur la compile, puisque le Black Power n'était pas qu'une affaire de couleur, c'était avant tout un militantisme dans le cadre du mouvement des droits civiques, hein, qui a été évidemment bien au-delà de... On l'oublie trop souvent. Voilà, et qui a été défendu par des artistes majeurs et qui ont usé de leur réputation pour aller dans le même sens. Donc ce morceau, Invitation to Black Power, a été composé a priori peu de temps après l'assassinat de Martin Luther King. Il fait en tout cas référence justement au Dr King à plusieurs reprises, ils font référence. À noter, c'est amusant là que les deux MC, on va dire ça comme ça, se nomment Richard et Earl Shabazz comme Shabazz Palaces, en fait du nom que se donnent les membres de la Nation of Islam. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Voilà, le néo-groupe formé à partir des membres de Deligable Planet, dont on a déjà parlé, qui a sorti un très bel album sur Sub Pop fin 2011. On poursuit, on reste sur le continent américain, mais on descend un peu plus bas, on descend en Amérique du Sud, et on parle de cette nouvelle compilation sortie chez Soul Jazz Records, qui, comme tu l'expliquais très bien Sylvain, compile un nombre innombrable de bons morceaux ultra vintage, trouvés je ne sais où, je ne sais comment. En tout cas, cette nouvelle compilation qui fait un peu écho à la très bonne compilation Cumbia sortie chez Sunway au début du fin d'hiver 2012, printemps 2012. Et là, il y a une Soul Jazz donne sa réponse, s'appelle Yenderi Palenque. Et on va écouter un extrait qui s'appelle Estradas des Caraïbes avec Cunchoso, avec un morceau assez tribal, vraiment hyper et bien roulé. La double album, hein, en tout cas, est vraiment très très bon, très très chaud. Beaucoup plus varié que un peu le travail poussiéreux et un peu anthologique de la compilation Cumbia que vient de sortir Sunway. En tout cas, beaucoup plus plaisant à écouter. Vous allez en écouter en extrait. Ouh, il est tard. Vous êtes dans le secret du son d'abat. Et c'est calor, calor, calor. Benicio Torres, ma gente habla a mí. Que han conseguido un hombre muerto al hoyo. ¿Cómo? ¿Quién le voy a matarlo? Lionel. Cuque, cuchuso, cuque, cuchuso, cuque, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, mamá, cuchuso, lele, papá, cuchuso, lele, mamá, cuchuso, lele, papá, mamá, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, cuchuso, lele, Cuchoso. Cucas. Cuchoso. Clash. Batida avec le morceau Algeria, donc Batida, nouveau projet de Pedro Quaganao, dit DJ Mapula, qui sévit depuis quelques années à Lisbonne et en Angola, pour qui a cette double culture parce que son papa a traîné quand même pas mal comme bon tout portugais des années 70, a bien traîné dans la capitale d'Angola. Et lui, il a donc cette double culture, donc qui mixe, et vous avez pu l'entendre, Kuduro et musique d'Angola des années 70, dont on a déjà passé quelques extraits dans l'émission. Voilà, et donc c'est la première signature de Sunway sur un projet vraiment contemporain qui mélange vraiment samples de musique Angola, angolaise, on va dire. Et Kuduro, donc vraiment musique plus contemporaine, un album vraiment assez frais, plutôt réussi, voilà, qui transcende pas les genres, mais vraiment qui est plutôt bien mené et que je conseille vivement. En tout cas, c'est assez marquant de voir que Sunway, en tout cas, ils veulent aller plus loin que de rééditer éternellement et refaire des compiles de vieux morceaux qui dénichent un peu partout. Ils veulent essayer de mixer les scènes contemporaines avec ce qui a pu se faire par le passé. Et c'est à tout à leur honneur. En tout cas, Batida, a priori, fait des sets DJ assez sulfureux et qu'il faudra, j'espère, un jour voir. Mais ça, c'est et pas gagné. Ouais, ça, c'est pas gagné, en tout cas. Et danser. Ça serait l'idéal. En tout cas, dans l'ouest de la France, c'est jamais très très gagné. En tout cas, sachez pourquoi que... Pourquoi pas aux escales Bah ouais, mais c'est pas trop l'année, en tout cas, vu la fiche de cette année. En tout cas, oui, ça serait vraiment l'excellente place to see Batida, les escales. On poursuit avec Oval, le retour. Voilà, alors on va partir... Le gars qui a disparu 10 ans, qui nous sort 2 albums en 2 ans, quoi. C'est ça. On part au carrefour... un des carrefours, en tout cas les plus intéressants des musiques d'aujourd'hui, c'est le carrefour des musiques expérimentales et des musiques populaires. Musique pop avec... C'est le secret du son d'abat. C'est le secret du son d'abat finalement. Avec Marcus Peut-être. Pop, le bien nommé, seul derrière le projet Oval depuis maintenant quelques temps. Comme tu le disais, un gros break d'une dizaine d'années entre le Oval Commerce de 2001 et puis le O. OH suivi immédiatement par le O tout court sur Thrill Jockey, donc EP et double LP sorti maintenant il y a 2 ans. Il y a eu entre temps, avant le disque qu'on va passer aujourd'hui, un split avec Liturgie qu'on verra pour certains d'entre nous au Village Sonic bientôt. Ouais. Et groupe de black metal. Voilà, et donc entre les expérimentations avec ses propres logiciels où il a vraiment travaillé sur l'erreur digitale, c'était un des premiers vraiment à exploiter complètement l'erreur digitale pour créer de la musique à partir de l'accident. Son retour avait été marqué par une manière différente de travailler. Il aime bien travailler sous contrainte. Il s'était finalement approprié un PC un peu basique avec tout ce qu'il y a comme preset, etc. en termes de capacité à créer du son. Et puis il s'était servi de ces aspects assez basiques et d'instruments type finalement guitare et petites percussions pour créer l'album O. Et il en avait tiré des piécettes pas forcément systématiquement géniales, mais enfin en tout cas qui avaient quand même bien retenu notre attention, parce qu'il y avait quand même des beaux moments. C'était, ouais. Disons qu'il y avait beaucoup de compos, donc c'était assez varié, il y avait des choses peut-être moins à retenir et d'autres plus intéressantes. Et puis là, il nous revient sur le label allemand Shit Catapult. On ne s'attendait pas forcément à le voir sur ce label qui est plutôt... qu'on a plutôt vu et entendu pour sa promotion d'une techno minimale au long cours. Je pense à des choses comme... c'est ce label qui a popularisé Tiram Schmire, par exemple. Hein. Et voilà, il revient avec une compilation qui regroupe de bon nombre, 25 morceaux qui a priori retracent les différentes époques d'Oval. Donc ça s'étale sur peut-être 20 ans d'ailleurs, on ne sait pas bien, j'ai pas la date de chacune des pièces musicales présentées là. A priori c'est essentiellement des inédits et effectivement il y a des choses très très variées, il y a quelques belles choses. C'est si on se l'écoute comme ça d'une traite, on va dire ok, c'est Oval, et puis évidemment faut creuser pour vraiment commencer à ressentir de l'émotion. Et puis en creusant, on tombe sur des petites perles comme celui qu'on va s'écouter, le morceau qu'on va s'écouter qui s'appelle Héroïque. Je précise pour tous les fondus de son et de manipulation sonore que si on achète ce Oval DNA, on trouvera sur le deuxième CD qui accompagne le CD principal 2000 sons exploitables générés par Oval, son logiciel qu'il a nommé DNA, et puis un certain nombre de bonus, de clips, de documents divers et variés retraçant l'histoire d'Oval. Nous-mêmes, voilà. On essaye de faire comme lui. Ce qui est à la fois une bonne idée pour tous les fondus de manipulation sonore, etc. Mais en même temps une mauvaise idée parce que je crains qu'on ait 170 projets de Oval-like sous les 2 ans qui viennent. Peut-être ça va être l'horreur. C'est une façon de marquer, de dire peut-être qu'il est dans autre chose aujourd'hui. Voilà, peut-être. Et seule la suite nous le dira. En tout cas, voilà. Il met à disposition tout ça, évidemment, libre de droit à partir du moment où on se procure le projet, qu'on l'achète. Donc c'est Oval DNA, on s'écoute le morceau Héroïque. Eh bien oui, mon cher Greg, c'était enregistré au Short Circuit Festival. C'était les 20 ans de Mute. Ouh, quand même. Mon ami. 20 ans. C'était les 20 ans du label Mute, vraiment, je me souviens avoir vu ça dans le magazine Wire. L'affiche était assez incroyable. Ah oui, et évidemment, Chris Carter et Cosé Fanny Tutti étaient de la partie. Deux membres éminents, enfin il n'y a pas de membres secondaires, mais du quatuor Throwing Rhythm, qui ont fait une carrière ensemble ensuite, digne d'intérêt, hein, avec les ont participé vraiment à la première vague électro pur jus, en fait, pur court jus même. au Royaume-Uni, avec un peu déphasé, même genre. Même déphasé, ouais. Évidemment, avec une partie de leur carrière du côté justement du label Mute et de ses sous-divisions, donc c'était assez logique de les retrouver pour ce festival anniversaire, aux côtés d'une nana qui s'appelle Nick Colkvoid, du moins c'est son pseudo, qui est une personne membre du combo Factory Floor que je connais pas très bien, je m'abstiendrai de vous en parler. En tout cas, voilà, c'était un enregistrement donc dans le cadre de ce Short Circuit Festival. Ça s'appelle Transverse, c'est sorti donc évidemment par Mute début 2012, sous la forme d'un EP et CD ou CD seul. Et on s'est écouté le morceau, je crois bien que c'était le V3. Tout simplement. En régie, on nous dit que c'est bien le V3. Parfait. Ah, si. Sacré missile électro-indus, ouais. Ce V3. On poursuit avec une nouvelle formation en direct de l'Est de la France. Il s'appelle Amour. Et ils viennent de sortir un premier EP qui tourne en 45 tours. Il s'appelle ce EP Rayé Chaloupé. Et on va écouter un extrait de ce EP qui s'appelle Rayé Chaloupé. Alors, qu'est-ce que c'est Amour ? C'est pas de la haine, c'est que de l'amour. On retrouve dedans des membres du Singe Blanc, de j'étais prendre des notes, évidemment je les retrouve pas, c'est quand même assez grandiose, et de Violon Profond et un autre membre. On retrouve deux basses, une contrebasse et une double basse, donc ça basse pas mal dans ce nouvelle formation qui s'appelle Amour. Et ceux qui sont amateurs de Doug Fisherman et de ZX, période avec Tom Cora, devraient s'y retrouver. C'est-à-dire que c'est quand même, ça risque d'être pas mal, et j'avoue que c'est très très bien. Ça s'appelle Amour dans Secret du Son là-bas. On s'écoute ça tout de suite alors. Ah bah oui, quand même. Sous les pianos, les bières. Sous les pianos, les bières. Yeah. Fatabo. Fatabo dans le secret du son là-bas, formation trio parisien défunt. À peine sorti l'album qu'ils ont préféré laisser tomber. C'est vrai qu'un guitariste qui vit en Inde, un à l'autre bout de la France et un autre à Paris, c'est pas toujours simple pour répéter, c'est pas toujours simple pour tourner. Et une fois de plus, connaissant bien le bassiste, il se retrouve avec une quantité de disques dans sa chambre, ce qui lui servira d'étagère pour quelques années. En tout cas, cet album... Et ce, malgré... quelques bons tubes. Ah bah carrément, c'est vraiment un album qui est... Comme celui-ci qu'on vient de s'écouter là. Ouais ouais, vraiment l'album est très très bon, vraiment dans le genre... Je sais pas trop, à la fin des années 90, au début 2000, on parlait des Morocco, voilà, c'est-à-dire qu'on était dans les influences Washington D.C., Discord Records, et des choses plus chez Jatry, chez Love It Records, comme Unjai Dawn, etc. Et Fatabo, c'est clairement ce type d'influence, mais actualisé et plutôt très très bien mené. Vraiment un album qui s'appelle 204 grammes, le poids du vinyle et du disque. Et vraiment, c'est vraiment un très beau disque, malheureusement, qui va être très difficile à défendre. Autant vous dire qu'il en reste des tonnes et des tonnes, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. C'est vraiment une très belle galette qui a été... Évidemment, dans ces cas-là, quand c'est de l'autoproduction, c'est difficile de vendre un disque quand le groupe split et voilà, même en faire la promotion et l'envoyer au webzine ou au fanzine ou magazine. En tout cas, c'est bien dommage parce que vraiment, cet album de Fatabo, c'est vraiment une jolie surprise et je suis très... voilà, c'est vraiment un très très bel album. On va se quitter avec Master Musician of Jazuka. Eh bien oui, on termine avec le plus vieux groupe de rock du monde, selon les dires du regretté William Burroughs. Toute la Beat Generation s'est précipitée il y a 30 ans autour de ce groupe marocain protéiforme, avec des musiciens qui se sont succédés et voilà, 4000 ans d'existence selon la légende. Mais 30 William, ans, William 30 Bruce ans Rowe, enfin tu vois... Il avait de quoi dire, voilà. En tout cas, il avait de quoi réinterpréter les astres. En tout cas, depuis l'album Brian Jones Present the Pipes of Pan of Jujuka, donc l'album qui a fait connaître aux Européens et aux Anglo-Saxons et au public rock, on va dire, ce combo marocain. Depuis lors, voilà, les albums se sont succédés, tout ce dont la scène underground compte de pointure se sont entichés de ce projet, sont venus enregistrer, produire, se sont fait accompagner par ainsi de suite, de Marianne Faithfull à Bill Laswell. Et le disque dont on va s'écouter un extrait qui s'appelle The Source, qui a été produit il y a 2 ans par le son du maquis, qui m'a tout l'air d'une compilation, a été produite, masterisée par Marc Hurtado, qui, si je ne m'abuse, est un des membres de Étant Donné. Voilà, donc c'est de la musique dans la tradition de la trance soufie. J'en dis pas plus, c'est évidemment assez magique, c'est hors du temps et c'est diablement bon. C'est les Master Musicians of Jazuka, led by Bachir Attar, sur le son du maquis, The Source. Bye bye, à bientôt dans une prochaine secret du son d'Abba. Merci David, merci Monsieur Melon, à Salut très bientôt. Gregor. Ciao, Master Musicians of Jazuka.